les vacances à Paris. À des jolies cantines, une voix d'appel, c'est l'heure déjà de t'en aller. Chance à des jolies.